À la recherche de la mentalité française. La mentalité française est, avec la langue, le substrat d'une civilisation. La mentalité française s'est constituée lentement au cours des siècles et n'avait pas sensiblement évolué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. D'où vient la persistance des traits et des comportements à partir desquels s'est élaborée une image du français souvent simplifiée et réduite à un stéréotype. Une nation déconcertante. Certains ont essayé de retrouver, à travers la mentalité française, ce qui revient à chaque peuple. Les Français devraient aux Celtes leur individualisme, aux Germains leur génie constructif, aux Normands leur esprit d'initiative. Quelque hasardeuse que soient de telles attributions, elles soulignent du moins l'extrême diversité psychologique d'un peuple qui a toujours déconcerté les autres par ses contradictions et ses inconséquences. « Votre nation, écrivait déjà Frédéric II, est de toutes celles de l'Europe la plus inconséquente. Elle a beaucoup d'esprit, mais point de suite dans les idées. » Voilà comme elle paraît dans toute son histoire. Une pluralité d'images. Ces contradictions s'expliquent pourtant dans une certaine mesure par l'histoire de la société française. Les strates successives dont elle est formée ont marqué la mentalité collective d'un ensemble de traits de caractère spécifique, si bien qu'il s'en dégage non pas une représentation cohérente, mais des images multiples et souvent contradictoires. On peut regrouper les différents traits du tempérament et du caractère national autour de quatre types principaux. Chacun est représentatif d'une classe ou d'un milieu social. Le paysan, l'aristocrate chevaleresque, le bourgeois, le parisien. Au cours de l'histoire, leurs comportements se sont combinés sans jamais se confondre. Et ces types représentent assez bien les différents noyaux à partir desquels s'est construite la personnalité française. Un fond paysan. À l'origine, la population était rurale. Cette civilisation rurale connaît son apogée vers 1850. À cette époque, la France est cultivée comme un jardin. La pauvreté est grande dans les campagnes, mais il existe une vraie culture locale faite de traditions, de fêtes locales, de costumes de contes, de récits que l'on se fait le soir à la veillée. La paysannerie va constituer le réservoir de fabrication sociale des classes citadines. Presque toute la bourgeoisie des villes est issue du monde paysan. Donc, ce paysan du fond des âges, attaché à la petite propriété depuis la révolution de 1789, formait encore au début du XXe siècle la majorité de la population française. D'où la persistance de certains comportements. Attaché à sa terre natale, sédentaire, son horizon se borne à celui de sa paroisse, c'est l'esprit de clocher. Réaliste, il a les deux pieds sur terre et ne s'en laisse pas compter. Parcimonieux, jusqu'à la mesquinerie et à l'avarice, le bas de laine, où il entasse ses économies, symbolise l'esprit d'épargne. Précautionneux, jusqu'à la méfiance, volontiers traditionnaliste et conservateur. Un tempérament chevaleresque. Au Moyen Âge, s'est constituée une noblesse conquérante, souvent animée d'un esprit chevaleresque, dont on peut retrouver la trace plus tard dans les masses populaires, notamment au moment critique de l'histoire du pays. Ce tempérament s'oppose sur bien des points à la mentalité paysanne. Idéaliste, prompt à s'exalter, bouillant et chimérique, animé de l'esprit d'aventure. Généreux, jusqu'à la prodigalité, toujours prêt à s'engager pour une cause qu'il croit juste, il a le cœur sur la main. Individualiste, jusqu'à l'indiscipline, il a la tête près du bonnet. Volontiers révolutionnaire lorsqu'il s'agit de lutter contre l'injustice ou l'oppression. Le français moyen. Au cours des temps modernes, la bourgeoisie devient la classe dominante. C'est en son sein qu'apparaît le type du français moyen, abondamment décrit par les romanciers et raillé par les caricaturistes. Il passe généralement pour jovial et bon vivant, amateur de bon vin et de bonne chère, pratique et réaliste, ingénieux et débrouillard, passionné de bricolage, homme de bon sens, selon lui, la chose du monde est la mieux partagée, éminemment social et extraverti, ami de tout le monde. Le parisien. Il existe pourtant des traits qui, souvent attribués aux Français, semblent plutôt caractériser le parisien, enfant de cette cité ouverte à toutes les influences et qui, depuis le XVIIIe siècle, tendait à s'opposer au provincial. Insouciant, prime sautier, d'humeur capricieuse, d'où sa réputation de légèreté et de libertinage et son goût pour la bohème. Curieux, aimant le jeu, dilettante, il suit la mode, quand il ne la précède pas, toujours pressé, il ne déteste pourtant pas la flânerie, le badaud, persifleur et rouspéteur, d'esprit vif, il est prompt à la moquerie qui dégonfle d'un mot ou d'un geste. Le titi parisien fut longtemps l'héritier de Gavroche.